J'arrive pas à le faire. Fais mes muscles de G sur son clavier. C'est pour ça que je devrais apprendre vraiment le piano. Les conneries.